Section 115 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e, section 115, Les amours de Gilles, livre 3e, Gilles, par Louis Morin. Chapitre 6. L'amour et l'art. Dès le lendemain, Gilles s'occupa d'ordonner les fêtes théâtrales que voulait donner le comte. Et le matin, en visitant le parc du palais, l'idée lui vint de jouer des pièces en plein air. Le lieu s'y prêtait admirablement. Il y avait une pelouse immense, des allées de grands arbres en perspective, un labyrinthe, un jardin plein de fleurs. Si l'on avait besoin d'une petite maison, d'une chaumière, il serait facile d'en disposer une en peu de temps. Il fit part de son projet à la société du comte. Jouer, non plus le soir, sur une scène, devant des toiles peintes, mais en plein jour et au milieu de la nature. On en serait quitte pour inventer une nouvelle comédie improvisée, celle qui serait faite en vue des décors. Cette idée originale ne pouvait manquer de plaire. Les Vénitiens étaient fous de la campagne. La mode des bergeries commençait à régner en Italie aussi bien qu'en France. Ce n'était partout que fêtes et galanteries champêtres. La société approuva et pria Gilles de tout disposer pour que l'on pût jouir le plus tôt possible de ce passe-temps nouveau. Il choisit ses acteurs parmi les personnes de bonne volonté, et pour que le public eût le plaisir de la surprise, le plus grand secret fut gardé. Quelques jours après, on annonça le spectacle attendu. C'était une adaptation italienne du Galant jardinier de Dancourt. Les personnages de la comédie vénitienne remplissaient les rôles qui convenaient à leur caractère. Dans l'adaptation de Gilles, le galant jardinier était un Lélio devenu subitement amoureux de Lucille, fille de Pantalon, pour l'avoir vue dans le coche comme elle sortait de son couvent. Lélio revenait de l'armée, ignorant que son père voulait le marier tout justement à l'objet de ses désirs, et il prenait les moyens les plus détournés pour plaire à Lucille. À Lucille qui, frappée du même coup de foudre, l'aimait déjà de tout son cœur. Lélio, secondé par la malice et l'esprit d'intrigue de son valet Gilles, se donnait des peines infinies pour tromper la surveillance de Pantalon. C'étaient les déguisements de l'un en aide jardinier, de l'autre en neveu du jardinier, des corruptions de serviteurs à prix d'or, tout un travail donjuanesque de séduction qui aboutissait drôlement à la découverte que trompeur et trompé, séducteur et séduit, n'avaient jamais voulu que la même chose, le mariage de Lucille et de Lélio. Mais les peines d'amour ne sont jamais perdues. Les spectateurs s'étaient assis sur la pelouse, et les scènes se jouaient, tantôt devant le palais figurant la maison de campagne de Pantalon, et tantôt à l'entrée des grandes allées du parc. Comédiens de métier et comédiens improvisés firent merveille. On résolut de pousser la chose plus loin et de se donner la fantaisie de jouer dans la campagne. C'était le but d'une promenade, d'un déjeuner sur l'herbe. Quelquefois, on partait en voiture. On allait pour trouver la fraîcheur vers ces jolis monts tyroliens dont le faîte s'argente d'une neige éclatante et qui termine le monde vénitien. On gagnait Cittadella, San Giorgio, quelquefois Bassano. Là, la campagne est verte tout l'été, d'un vert printanier. Les champs s'entourent d'arbustes légers que relie la vigne disposée en guirlande, d'un arbre à l'autre comme pour une galante fête des champs. Souvent, entre deux rangées d'arbres, des allées couvertes se présentent paraissant offrir une promenade ombreuse et facile vers quelque mystérieux palais de verdure. Il y a, de loin en loin, de petites maisons coiffées de bonnets de chaume et qui sont très propres à la comédie paysanne avec leur cour creusée sous la toiture et sur laquelle donnent toutes les fenêtres du logis. Là, parmi les objets usuels qui étaient entassés, Gilles trouvait tous les accessoires d'une pantomime improvisée. Dans ses mains, le balai, le chaudron, la cuve, l'échelle, l'écuelle, le verre, la table, la chaise, le sac, le tonneau devenaient des êtres animés, des compères qui changeaient de destination, d'usage. Le balai ou l'échelle pouvaient être des armes offensives, très commodes, comme le tonneau ou la table devenaient au besoin un lit ou un trône ou tel autre objet de première nécessité. On priait les hôtes de la maisonnette élus de s'en aller, moyennant quelques pièces de monnaie, et ils assistaient de loin, ahuris, à l'envahissement funambulesque de leur logis par une troupe de gracieux masques déchaînés. Au milieu du tourbillon, Gilles, toujours présent et toujours disparu, semblait avoir le don d'ubiquité. Il tombait des fenêtres, s'effondrait dans la cave, d'un élan bondissait sur le toit, dégringolait comme une avalanche, s'affalait et se relevait d'une pirouette. D'un geste, il disparaissait dans un sac. Pour un moment, devenait chose inerte, et d'un geste, il en sortait pour s'arrondir dans le tonneau ou s'aplatir sous la table. Il était suffisamment secondé dans ses exercices par quelques jeunes nobles que l'habitude de l'équitation, de l'escrime et du jeu del calcio, les pugilats des gens de qualité, avait assoupi et préparé à l'expressive mimique italienne. Bientôt, après quelques essais, la petite société de Stra put jouir d'un spectacle unique, fait pour contenter les plus délicats. Quelquefois, on jouait des pièces récitées et même de petits opéras comiques. Il était facile de cacher les musiciens dans un bosquet, derrière une haie. On épuisa tous les décors que la nature fournissait aux environs. Granges, moulins, fermes, bois. Et, pour pouvoir représenter des pièces en plusieurs actes à décors changeants, on fit des promenades qui coupaient la représentation. Les vaudevilles, dont on avait joué le premier acte à l'orée d'un bois, continuaient devant une chaumière ou devant une étable. Acteurs et spectateurs se déplaçaient à la recherche d'un décor nouveau. Et ce n'étaient pas les seules distractions de l'aimable société du comte Pisani. Il y avait aussi des concerts, des bals champêtres, des jeux de Colin Maillard, des jeux innocents. Gilles et Paquette prenaient leur part de tous ces plaisirs. Au bout de quelques jours, ils avaient été considérés comme faisant partie de la maison. La bonne tenue de Gilles, son instruction, le charme de son commerce l'avaient fait apprécier de tous les hommes. Comme la simplicité de Paquette lui avait valu les bonnes grâces de toutes les dames. Certes, on s'était bien aperçu que le comédien était supérieur à sa position. On avait facilement reconnu que ce n'était pas un enfant de la balle, mais il n'y avait là personne qui eût l'indiscrétion de le questionner sur un passé qu'il ne paraissait pas se soucier de faire connaître. Quant à lui, il semblait corrigé, revenu pour jamais, des mauvaises habitudes d'ivrognerie qu'il avait contractées du temps de Séraphine. La fréquentation de cette bonne société, pour laquelle il était fait, avait complété l'œuvre de Paquette. Quelquefois, le soir, quand ils étaient seuls, la petite femme le serrait dans ses bras. « Vois-tu, Gilles, disait-elle, que j'étais été utile à quelque chose. » Leur séjour à Stra ne put malheureusement pas être de longue durée. Gilles avait d'autres engagements qu'il tenait à remplir. Pendant toutes les vacances du théâtre, le jeune couple se promena dans la province, de palais en palais. Partout la réception était la même, affable et généreuse. La fête de l'hiver, le long carnaval de la ville, se continuait pendant l'été dans la campagne. La folie de l'art et du plaisir avait saisi le monde vénitien. Cette société raffinée, qui peu à peu était née de l'opulence patricienne, prenant la place de l'active et l'industrieuse noblesse de la vieille République. La richesse des pères avait causé la mollesse des fils. À quoi bon travailler, faire du commerce quand les coffres sont pleins? À quoi bon étudier quand on peut avoir pour son argent toute une cour d'artistes et d'écrivains? À quoi bon même aimer quand si facilement on peut jouir des privilèges de l'amour? Là-bas, de l'autre côté de ces monts tyroliens sont peut-être la vie nouvelle, le mouvement du monde. La rumeur lointaine de Paris arrive quelquefois et, pour qui prête l'oreille, apporte de mystérieux retentissements. Mais pourquoi les écouter ? Vénitiens, mes frères, n'avons-nous point ici la douce vie facile ? Le vin léger, le subtil esprit de Gozzi et le bénévole sourire des ragazze ? Où la musique est-elle meilleure ? La mode plus jolie ? Voyez les dames qui passent, traînant de riches étoffes avec une grâce maniérée, et les servantes qui s'empressent autour d'elles, la taille longue et bien prise dans leurs basquines. Entendez claquer les sandales des contadines et des filles du peuple. Elles passent, serrées dans leurs châles étroits, et longtemps vous les suivez du regard, l'œil fixé sur la plante de leurs pieds cambrés qui se laisse voir à chaque pas. Clic, clac, clic, clac. Et vous savez que grandes dames, soubrettes, contadines et filles du peuple ne sont guère cruelles, s'il faut en croire la méchante langue de Casanova, les mauvais rapports de M. l'abbé comte de Berny, les indiscrétions du président de Brosse et les lettres de l'espion chinois au fils du ciel. Un peu de langueur dans les yeux, quelques baisers qui s'attardent sur la main tendue, un semblant d'amour, et voilà leur petit cœur qui s'attendrit à l'idée de votre souffrance. Cherchez alors l'instant et le lieu propice, ayez quelque audace, et les voilà dans vos bras, sous vos lèvres jusqu'au lendemain. Fin de la section 115, lue par Agnès, Obi, 2024.